mérite sans doute de l'audace de ma visite. Mais votre réputation vous attire cette méchante affaire. Elle mérite pour moi les charmes si puissants que vous parcours d'après lui. Je pense l'embrasser et n'embrasse qu'une ombre.